j'ai vu une illusion. La lumière réfléchit une image d'un homme qui est perdu. Ce que de la vie n'est pas visible, mais je chante un rime crédible. Non, je ne chante pas. Chante pas ma chaleur triste. Si je peux, je créerai une harmonie. C'est un désespoir que j'ai conçu.